Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Nous sommes en 2019. Il est 7h45. L'avion de Jaime vient de se poser à l'aéroport de La Paz, en Bolivie. Après 13h35 passées dans les airs, le pauvre n'est plus très frais. Jaime, si tu voyais ta tête. Oui, bon, Miguel peut se moquer. Il ne s'est visiblement pas regardé dans un miroir. Qu'importe, aucun des deux n'a traversé l'Atlantique pour crâner façon gravure de mode. Jaime est réalisateur et Miguel, preneur de son, accompagné par leur équipe, ils arrivent tout droit d'Espagne pour filmer 5 femmes boliviennes qui se sont lancées un défi incroyable. Sans vraiment de matériel et sans du tout être des alpinistes professionnels, Elena, Lita, Lydia, Dora et Cecilia vont tenter de gravir la Aconcagua, la plus haute montagne de toute l'Amérique. Jaime et Miguel sautent dans un taxi. Hola, señores. ¿Qué tal? Bienvenido a La Paz. Les vitres baissées, ils regardent au loin les hauts sommets enneigés. Bon Dieu, ce que c'est beau. Vous êtes sur l'altiplano? Rebondit le chauffeur de taxi. C'est le haut plateau de la Cordillère des Andes, 4000 mètres au-dessus de la mer. Une demi-heure plus tard, ils arrivent dans la ville d'El Altro. Jaime et Miguel remontent une grande rue, ils tournent à droite puis à gauche, ils ouvrent un portail et au fond d'une cour, elles sont là, la tête haute, les yeux brillants. Elena, Lita, Lydia, Dora et Cecilia. Toutes ont les cheveux tressés, elles portent des chapeaux melons et de grandes jupes colorées. C'est le costume traditionnel des Cholitas. Ça va? Vous êtes tout pâle? Demande Dora en s'avançant. Ça doit être l'altitude. Tenez, buvez un verre de pisco. Et maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi. Jaime sort sa caméra. Miguel installe sa perche pour la prise de son. Le film commence. Nous, les Cholitas, appartenons au peuple Aymara. Nos ancêtres étaient les premiers habitants de la Bolivie. Pourtant, depuis des siècles, on est exclu de la société. Alors on a décidé de faire quelque chose pour nous libérer. Je suis cuisinière. Cecilia est femme de ménage. Lita est prof. Lydia et Elena sont femmes au foyer. Ensemble, on va gravir les 6962 mètres de l'Aconcagua, vêtus de nos costumes traditionnels. Nous sommes fiers d'être des Cholitas. Bon allez, à demain. Demain, c'est là que tout commence. Dora pèse son sac. 20 kilos. Bon, c'est un peu lourd, mais au moins elle a tout. Des pulls, des gants, un casque, de la crème solaire, un thermos et une assiette en plastique. Si tes orteils deviennent violets, c'est grave. Et s'ils commencent à noircir, là c'est trop tard, là il faudra les couper. Ça, c'est son mari. Il est guide, alors il en connaît un rayon sur la montagne. Ah, aussi, à cette altitude, le cerveau peut dérailler. Mais ne t'inquiète pas, tout cela, ça n'arrive qu'aux touristes. Surtout, n'oublie pas, crois en toi et tu iras jusqu'au sommet. Croire en elle, il est mignon, mais après tout ce qu'il vient de lui dire, c'est pas facile. L'ascension va durer 20 jours. C'est long. Tellement de choses peuvent se passer. Comment on se sent là-haut? Est-ce qu'elles vont réussir à rentrer en un seul morceau? L'Aconcagua est redoutée de tous les grimpeurs. Certains sentiers, extrêmement étroits, sont jonchés d'énormes rocs qui peuvent se détacher à n'importe quel moment. Si tu glisses, si tu tombes... ce n'est plus le moment de se poser ce genre de questions. Dora et son mari retrouvent le groupe. Les familles, fières mais inquiètes, sont venues dire au revoir aux aventurières. On s'embrasse, on pleure, on se serre dans les bras. Lita et Lydia échangent un regard complice. La nuit dernière, elles ont consulté un devin. dans le gris vert des longues feuilles de coca, il a lu leur avenir. Il y aura des difficultés, c'est certain, mais ça ira, elles reviendront. Enfin, si la déesse de la terre, la Pachamama, accepte de les protéger. Ça y est, tout le monde est installé dans le minibus, les portes se referment. C'est parti ! Direction le centre-est de l'Argentine, où s'élève le mont Aconcagua, le colosse de l'Amérique. Vous savez, vous êtes la voix des femmes du peuple. Leur glisse leur chauffeur. Vous les représentez toutes ? À l'aéroport, les Cholitas attirent tous les regards. Assises côte à côte, elles forment un pétulant arc-en-ciel. Bleu, rose, vert et doré. Avant de décoller, elles font une petite prière. On ne sait jamais. Quelques heures plus tard, un bus les dépose dans le parc national de l'Aconcagua. La montagne, grise et rose, immense et recouverte de neige, se tient là, devant elle. Les Cholitas rencontrent leurs guides, Nico et Paula. Personne n'est certain d'arriver au sommet. L'Aconcagua nous accueillera à bras ouverts si nous sommes respectueux envers lui. Il faut le gravir avec beaucoup d'amour. Le lendemain, l'ascension commence. Les Cholitas avancent, leurs baluchons sur le dos, entre les roches et les cailloux. Chacun de leurs pas remue la poussière. Ici et là, de petites mousses tachètent de vert la terre brune. En fin de journée, tandis que de petits flocons commencent à tomber, le groupe arrive au premier campement. Youhou ! Bravo les Cholitas ! Malgré le froid, le vent et leurs grandes jupes, elles se sont débrouillées comme des chefs. La montagne est avec nous, remarque Dora. Puis, elle ajoute: à chaque étape, nous offrirons des feuilles de coca à la Chachila, la montagne, et à la Pachamama, la terre, pour leur demander la permission de continuer. Après une bonne nuit de sommeil, le groupe se remet en route. Pas ça grimpe, hein? Ah, les Cholitas traversent une petite rivière, puis une vallée. Ah, 4100 mètres. Ouh, ça commence à faire haut. Heureusement, le moral est bon. L'énergie est là, les Cholitas sont la banane jusqu'aux oreilles. Mais, oh oh, qu'est-ce qui se passe? Le vent souffle? Le ciel se couvre? Oh non, purée, une tempête de neige. Tout à coup, le paysage change. Un rideau blanc vient de tomber sur la terre. Maintenant, il faut résister et continuer à avancer. Un pas devant l'autre, Elena, Lita, Lydia, Dora et Cecilia serrent les dents. Elles le savaient que ce serait difficile. D'ailleurs, elles sont venues pour ça, se dépasser. Enfin, au loin, là-bas, elles aperçoivent une maison entourée de tentes toutes rondes, comme des igloos. C'est le prochain campement. Les Cholitas sont accueillies par des applaudissements, des hurrahs. Ma parole, mais c'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Le soir, en coupant des carottes pour le dîner, elles discutent avec Paula, leur guide. C'est la première fois que je suis loin et j'adore. À la maison, je dois cuisiner, faire le ménage. Mon mari me dit « fais ceci, fais cela ». Mais ici, je peux dire ce que je désire. Je me sens libre. J'ai l'impression d'être une reine. Paula, bouleversée, se met à pleurer. Le lendemain, le beau temps est revenu. Les Cholitas, plus vaillantes que jamais, organisent un match de foot endiablé. Elles s'y connaissent en petit pont, en dribble et en reprise de volée. Hé, Lydia, à toi! Le sommet est tout proche. Avant de repartir, on fait un point météo. Oui, là-haut, le vent souffle à 95 km/h. C'est extrêmement dangereux. Pas plus tard qu'hier, les secours ont sauvé de justesse une alpiniste japonaise qui avait décidé de braver le mauvais temps. Ses mains avaient congelé. Pas le choix, Il faut repousser l'ascension finale. Les Cholitas sont déçues, mais enfin, elles comprennent. C'est la Concagua qui décide. Parfois, il faut savoir attendre. On est une équipe. On se serre les coudes. On est ensemble. Alors, pour fêter ça, le soir, on sort quelques guitares, on danse, on fait la fête. Dans le tumulte, Elena s'isole pour passer un coup de téléphone. Joyeux anniversaire. Son dernier fils vient d'avoir 6 ans. On va y arriver, tu vas voir. Au moment de raccrocher, des larmes coulent sur ses joues. Et puis, le lendemain, le vent tombe. Ça y est, l'Alconcagua est prête à les accueillir. Les Cholitas se mettent en route. La pente est très raide. Dans le silence, les crampons de leurs chaussures s'enfoncent dans la glace. Lentement, vaille que vaille, elles avancent. Allez, les Cholitas, allez! Bientôt, la nuit va tomber. On installe les tentes, on dîne, puis on se couche. Elles sont arrivées à 6000 mètres d'altitude. Elles ont tout enduré. Une tempête, le froid, le vent, la neige. Le sommet est là, tout proche, près de 1000 mètres plus haut. Elles devraient l'atteindre demain. C'est la dernière ligne droite. Lorsqu'elles lèvent le camp, les étoiles brillent encore dans le ciel noir. Entre le jour et la nuit, la montagne est tantôt grise, tantôt bleue. Le groupe avance, lentement. Soudain, Lydia et Dora s'arrêtent. Elles n'en peuvent plus, c'est trop dur. Alors, les larmes aux yeux, elles laissent le groupe continuer sans elles. C'est sacrément courageux. Parfois, accepter de s'arrêter est bien plus difficile que de continuer. J'ai vu des choses magnifiques que je n'aurais jamais cru voir. Je m'arrête, mais ça n'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas essayer. J'atteindrai d'autres sommets. Tandis qu'elles redescendent, accompagnées par l'un des guides, le reste du groupe continue à grimper. Mais Cecilia, tout à coup, ressent des douleurs dans la poitrine. Que faire? Doit-elle, elle aussi, s'arrêter? Oh, pétard. Oui, il est plus sage de redescendre. Elena et Lita serrent Cecilia dans leurs bras. Puis elles reprennent la marche. Pour Dora, pour Lydia, pour Cecilia, pour toutes les Cholitas de Polivy. Mission accomplie! Quelques heures plus tard, elles arrivent au sommet. Le jour s'est levé. Elena et Lita pleurent en sautant de joie. On y est arrivés! Youhou! Aujourd'hui, les Cholitas ont touché le ciel. Merci la terre, merci la montagne. Merci de nous avoir accueillis. Permettez à d'autres femmes de venir jusqu'à vous. Quelle femme extraordinaire! Quelle force! Quelle endurance! En parlant d'endurance, Raimé, Miguel et leur équipe en ont eu eux aussi pour arriver au sommet. Grâce à leur film, le monde connaît l'aventure des Cholitas. Leur documentaire est la seule source qui raconte leur aventure, ce qui rend leur travail très important. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu découvriras une histoire fantastique que tu brûleras d'envie de faire connaître aux autres. À ce moment-là, fonce ! Il n'y a rien de plus merveilleux que de partager de belles histoires. En écrivant cette odyssée, j'ai eu la chance d'échanger avec Raimé, le réalisateur du film, et voici ce qu'il m'a dit. Les Cholitas m'ont énormément appris. Le respect de la terre, la liberté et surtout le courage. J'admire profondément chacune d'entre elles. Ce que je trouve fascinant dans leur histoire, ce n'est pas qu'elles aient atteint le sommet. On s'en fiche du sommet. C'est le courage d'avoir quitté leur famille, d'avoir pris l'avion pour la première fois de leur vie, afin de tenter l'impossible. Et nos Cholitas ne se sont pas arrêtées là. Elles ont continué à escalader les sommets et seraient prêtes, paraît-il, à prendre d'assaut l'Everest, la plus haute montagne du monde. Il y a peu de temps encore, les Cholitas se voyaient refuser l'entrée de certains lieux ou même des universités. Aujourd'hui, c'est le nom de femmes fières et sacrément intrépides qui, tout aussi bien que les hommes, partent à l'assaut de tous les sommets de la Terre. Derrière cet épisode, il y a Juliette Proto, Marion Lelay, Benjamin Orgeret et moi, Laure Grand-Besançon. Les jupes traditionnelles que portent les Cholitas s'appellent des polleras. En réalité, il ne s'agit pas d'une jupe, mais de plusieurs. Les Cholitas superposent plusieurs jupons, les uns sur les autres. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi le Journal intime de Nina Simone, un podcast France Musique de Marianne Vourche pour découvrir en 7 épisodes la vie d'Eunice Wayman, pianiste classique devenue Nina Simone, légende du jazz. Le Journal intime de Nina Simone à écouter sur le site France Musique et l'application Radio France.